Je pense que les couacs, c'est ça, hein. C'est qu'ils m'ont versé son astreinte. Hein. Parce que 2 750 €, c'est quoi? C'est bien. Hein? C'est bien. Ouais, mais c'est pas là, c'est pas mon salaire. 2 750.